Vivre pleinement, c'est vivre. Ah, ça c'est intéressant. Vivre pleinement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être dans l'illusion de vivre pleinement. Autrement dit, être dans la passion dans un moment. Ça, c'est vivre pleinement. Et vivre totalement, c'est actualiser l'énergie. Quand tu es conscient, tu ne vis jamais pleinement. Tu vis parfaitement. Tu vis totalement. Et même la vibration de totalement, c'est plus proche de pleinement que de parfaitement. Quand tu es conscient, tu vis parfaitement. Tu n'as pas besoin de vivre pleinement, puis tu n'as pas besoin de vivre totalement. Tu vis parfaitement. Vivre pleinement puis vivre totalement, ça fait partie de la passion de vivre. Vivre parfaitement, ça fait partie de l'intelligence de la vie dans l'homme, actualisée en relation avec le rayon. Quand tu vis parfaitement, tu n'es pas intéressé à vivre. Quand tu vis pleinement ou que tu vis totalement, tu es intéressé à continuer à vivre ta passion. Ça marche? Une subtilité. C'est bien important de comprendre comment ce qu'on parle, parce que quand on parle, on exprime ce qu'on est, puis quand on exprime ce qu'on est, on réfléchit ce qu'on est en soi-même et à l'extérieur. C'est pour ça que je vous reprends toujours quand vous ne parlez pas juste, pour vous faire comprendre que c'est que vous pourriez dire et que c'est que vous pourriez comprendre si vous parliez juste et que ce que vous seriez si vous parliez juste, que vous ne pouvez pas être parce que vous ne parlez pas juste. Hein, aussi, il n'est pas possible de laisser passer des mots quand vous ne parlez pas juste. Parce que si je laissais passer des mots quand vous ne parlez pas juste, je n'actualiserais pas l'énergie, puis je suis obligé de l'actualiser dans l'instantané. C'est pour ça que ça devient fatigant, les mots, dans un sens. Parce que les mots conditionnent votre esprit à votre passion. Si vous les parlez pas juste. Si vous parlez juste, automatiquement, vous déconditionnez votre passion à votre esprit puis à vos mots. Et automatiquement, vous commencez à comprendre la nature de l'intelligence universelle en vous. Tu peux pas dire ce que tu n'es pas. C'est impossible. Tu dis toujours ce que tu es, tu expliques toujours ce que tu es selon ce que tu es. C'est vibratoire. Non, vous ne donnez pas l'image que vous voulez donner. Vous autres, vous donnez l'image que vous n'avez pas le choix de donner, vous autres. Excusez, je suis assis dans un gros fauteuil. J'ai mal au ventre. On est ce qu'on dit qu'on est. Vous dites non. Vous êtes ce que vous pensez que vous êtes. Vous pensez toujours que vous êtes quelque chose. Ce que vous êtes, c'est pas ce que vous êtes. C'est ce qui apparaît en surface de votre personnalité à cause du débalancement de votre corps émotionnel et de votre corps mental. Je vais vous donner une preuve. C'est drôle le mot, c'est une preuve. Mon silence. Comme moi, je suis un homme bien doux. Je suis bien tranquille, je suis bien simple, je suis bien. Je suis bien terre à terre. J'ai pas d'orgueil. J'ai pas de conscience de mon ego. Mais si je m'actualise, puis je veux créer une énergie quelconque, l'énergie que je vais créer, elle va être réfléchie dans l'émotionnel et le mental des gens qui me perçoivent. Puis ils vont me percevoir les gens suivant leur émotif et leur mental. Ils vont pas me percevoir comme je suis. Et pour que les gens me perçoivent comme je suis, mais faut pas que j'actualise l'énergie dans leur mental, dans leur émotionnel, dans le sens de les faire réagir trop fort. Autrement dit, faut pas que je crée de choc. Parce que l'énergie, quand elle s'actualise, elle crée des chocs. Si je crée pas de choc, ben là, les gens me perçoivent comme je suis. Mais si je crée des chocs, les gens me perçoivent comme ils pensent que je suis, puis je suis pas de même. C'est simplement que je peux actualiser l'énergie comme ça. Mais moi, personnellement, je suis pas de même. Je deviens comme ça parce que j'actualise l'énergie dans une certaine condition pour mon travail. Mais je vis pas de même. Puis pour l'homme inconscient, c'est la même chose. L'homme inconscient, il pense qu'il est telle chose, telle chose, telle chose, puis il n'est pas telle chose, telle chose, telle chose. Parce que la chose qu'il est, c'est la chose qui est basée sur de l'émotion et de la mentalité. Et l'émotion et la mentalité n'est pas lui. Elle est l'accumulation d'une mémoire, d'impressions qu'il a accumulées au cours de la vie et qui colle à son tempérament et à son caractère et qui lui donne une capacité d'agir d'une certaine façon et de faire une certaine expérience dans la vie jusqu'à temps qu'il devienne intelligent. Quand il devient intelligent, à ce moment-là, ces contrefaçons-là de lui-même qui sont imprimées au niveau de l'impression dans son mental, supposons que tu vis au monde, t'as pas d'amour de tes parents, t'as pas d'amour de tes parents, t'as pas d'amour. Dans le fond, qu'est-ce que c'est un enfant qui vit au monde qui a pas d'amour de ses parents? C'est qu'il n'a pas accumulé dans son corps astral suffisamment d'une certaine énergie qu'on appelle de l'amour. De sorte qu'il est rendu à un certain âge, il manque de cette énergie-là. Et comme il a une mémoire de son passé, il souffre de l'amour. Mais s'il n'avait pas de mémoire de son passé, il ne souffrira pas de l'amour. Alors, il va développer des réactions parce qu'automatiquement, il va essayer de remplir la condition qui lui manque. Mais s'il n'avait pas la mémoire de ne pas avoir eu d'amour quand il était jeune, il n'en souffrirait pas. Parce que la mémoire conditionne l'énergie de la forme. C'est toujours la mémoire qui conditionne l'énergie de la forme. Ce n'est pas l'énergie de la forme qui conditionne la mémoire. C'est toujours la mémoire. C'est pour ça que quand on se conscientise, la première chose qu'ils font, c'est de détruire la mémoire. Moi, j'en ai une expérience, une bonne expérience dans le pif de ça. Moi, quand j'étais petit gars, je parle petit gars, tout avant le contact. Avant le contact, j'avais des problèmes comme tout le monde. Je me cherchais une carrière, puis je voulais, tu sais, on est dans la vie, on veut tout bien faire quelque chose. Puis, je n'ai pas eu grand problème familial, mais j'avais bien ça que pouvoir parler avec mon père un petit peu plus. C'est genre des choses. J'avais aussi que ma mère ait un petit peu plus que ma mère soit un petit peu plus intelligente, un petit peu moins dans l'amour. Bénéficier plus d'intelligence, de rapport d'intelligence avec elle que d'amour. Elle m'a étouffé. Puis, quand J'ai vécu à Fusion toutes les choses, les lacunes qu'on sent quand on est jeune. Que ton. Ben, prends les Arbecs. Les Arbecs, lui, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Labelle. C'est des familles unies. Les enfants parlent avec les parents, puis les parents parlent avec les enfants. Tu grandis là-dedans, c'est le fun. Mais quand tu grandis dans une famille où tu peux pas communiquer avec ton père comme du monde, où tu peux pas communiquer avec ta mère parce qu'elle est trop, est trop inconsciente, tu es tout seul, tu veux communiquer avec tes chums. Tes chums, mais c'est pas tes parents. Tes meilleurs chums dans la vie, ça devrait être tes parents. T'sais. Fait que t'arrives à un certain âge, tu manques ça. Si tu te conscientises pas, tu peux manquer de ça toute ta vie. Mais quand tu te conscientises, tu manques plus rien. Parce qu'ils détruisent la mémoire de ça. Puis ils m'ont toujours dit, moi, qu'un enfant qui vient au monde sous n'importe quelle condition de vie, si on fait le contact avec lui, on neutralise sa mémoire, il ne souffre plus de sa mémoire, ne souffrant plus de sa mémoire, il ne souffre plus de sa personnalité, ne souffrant plus de sa personnalité, il vit une vie comme du monde. D'ailleurs, c'est ce qui se produit avec nous autres. Gardez vos changements vibratoires, puis les changements au niveau de votre mémoire depuis qu'on a fait les séminaires. Vous allez voir que les problèmes qui vous infligeaient des peines, ou des petites crottes sur le cœur, ou des petites choses du passé envers vos parents, ou vos frères, ou vos sœurs, vous les voyez plus de même. C'est plus important, il n'y a rien là. Ça faisait partie de votre expérience. Ça a servi pour aujourd'hui. C'est du matériel qui a servi pour plus tard. Mais quand on est inconscient, on ne sait pas ça. Fait qu'on baigne dans cette mémoire-là, puis on baigne dans cette mémoire-là. Fait que si tu ne te conscientises pas, puis tu as eu réellement une vie difficile. Bon, ben, je prends Gisèle. Gisèle, c'est un exemple. Elle a eu un père qui était fou comme la marde. Elle a eu une mère qui n'a pas de bon sens pantoute. Elle a eu une vie de jeunesse qui était totalement troublée. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a sensibilisé. Ça l'a rendu sa nature intérieure comme de la porcelaine. Fait que quand le choc est venu, paf! Ça s'est tout ouvert. C'était de la porcelaine. C'était facile à péter. Elle souffrait des porcelaines. Mais une fois que le rayon a passé, ça s'est tout ouvert. Puis là, toutes les pièces qui faisaient d'elle un être qui manquait de ci, puis qui manquait de ça, puis qui manquait de ci, puis qui manquait de ça s'est tout parti. Puis aujourd'hui, bon, dans son rayon, ben. Fait que, je te parle à toi, là, t'es dans le domaine de l'éducation. C'est intéressant de savoir. Mais tu peux pas l'appliquer, ça. Mais c'est intéressant de savoir, anyway. C'est que, quand on se conscientise, quel que soit notre passé, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, quel que soit notre passé, parce que notre passé est simplement une condition pour notre présent. Puis comme on se conscientise, puis on rentre dans notre intelligence, bien, il nous l'explique à ce moment-là, la mémoire s'efface. Et on ne souffre plus de notre mémoire. Puis d'ailleurs, ils disent que ça, c'est une des. Là, j'ai plus mal au ventre. Ils disent que c'est une des grandes valeurs de l'initiation solaire. Si tu demandes, qu'est-ce que ça donne, l'initiation solaire? Les gens veulent tout avoir plus d'argent. Mais qu'est-ce que ça donne, l'initiation solaire? C'est que ça te fait réaliser dans un espace suffisamment rapproché, un temps suffisamment court, que ton passé a servi pour aujourd'hui, mais que à partir du moment où tu te conscientises que tu rentres dans l'intelligence, automatiquement ton passé n'a plus sur toi émotivement ou mentalement d'influence. Fait que déjà, c'est quelque chose. Y en a-t-il qui comprennent ça? Qui ont que. Ça a du bon sens, Ça vient de hein? Ouais. Ouais. Ouais. Si c'était pas de même, ça n'aurait pas de bon sens. Exactement. Puis regardez ce qui se passe. C'est intéressant. Fait que tu perds ta mémoire de ton passé. Fait qu'automatiquement, tu n'es pas affecté dans ton présent par ton passé. De sorte que ce qui se passe sur le plan social, c'est que ta vie sociale change. Parce que ta vie sociale, quand tu es inconscient, est conditionnée par ton passé. Quand tu deviens conscient, elle n'est plus conditionnée par ton passé, elle est rendue créativement réalisée ou réalisable de plus en plus. De sorte que, automatiquement, ta personnalité change, tes entre-gens changent, tes relations avec les hommes changent, parce que tu avais des relations avec les hommes avant qui étaient en relation avec ta mémoire de ton passé, tandis que là, n'étant plus prisonnier de la mémoire de ton passé, tu te crées des relations qui sont totalement nouvelles et en fonction de ta conscience présente. Fait que ta belle-mère est obligée de te dire, ben, qu'est-ce qui se passe? T'es plus comme avant. C'est le résultat. Whatever, whatever, tout. Tu peux pas changer partiellement quand tu changes. Tu changes totalement. Il n'y en a plus. Ouais. Là, je continue ça, cette affaire-là. Il y a des gens qui viennent me voir des fois, puis ils me disent, qu'est-ce que je faisais dans le passé, moi? J'ai-tu vécu en Atlantide? J'ai-tu vécu en Égypte? Tu sais, le monde me trouve vivre quelque part. Puis je te dis, c'est sans importance ce que tu as fait dans le passé, parce que ce que tu as fait dans le passé, tu l'actualises aujourd'hui quand tu es conscient. Fait que si tu étais un grand architecte de l'Atlantide, tu vas l'actualiser aujourd'hui. Ou tu vas l'actualiser dans un temps à venir, dans des conditions que tu ne connais pas. Mais tu actualises dans le présent ce que tu as vécu dans le passé. Mais actualiser ton passé, tu ne peux le faire que quand tu es dans l'intelligence. Sans ça, si tu es inconscient, tu ne l'actualises pas ton passé, tu le subis. Et si tu subis ton passé, tu ne peux pas être heureux avec toi-même. Tu ne peux pas te connaître. Il y en a qui me demandent, qu'est-ce que ça veut dire, se connaître? Ça veut dire actualiser son passé. Moi, j'actualise dans le présent mon passé évolutionnaire. On actualise dans le présent. On a la mauvaise habitude de toujours vouloir savoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Les autres incarnations. C'est sans importance. Absolument sans importance. Puis si on s'attache à ça, on crée une forme automatique. Ce qu'on va se faire, ça va se faire bien, oui. Puis un jour, ben, vous aurez accès à votre mémoire, mais ça sert pour d'autres raisons. C'est que ça me crisse, moi, avec Jean-Baptiste. Ça me crisse à rien. Mais ça, ouais, il est mort. Est dans le... Ouais, mais ça me donne à quoi? Tu sais? Mais oui, mais ça me donne quoi? Hein? Ça me donne rien. Parce que si ça me donne rien, je suis même pas intéressé à le savoir. Oui, mais pour l'homme qui est pour un deuxième race, c'est le principe de la question de la réponse. Non, c'est le principe de l'orgueil spirituel, de l'orgueil mental. C'est le fun d'orgueil de vouloir savoir qu'est-ce qu'on était à le passé. Moi, quand je veux vous donner un choc, je vous dis que t'étais un petit truc en Afrique. Fait qu'à ce moment-là, vous me le demandez plus. Merci. C'est quoi? T'actualises. Bon, automatiquement. C'est ça. C'est ça. Tout dedans. Tout dedans. Il y en a une qui me demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'est de l'orgueil. C'est de la mémoire. L'orgueil, c'est de la mémoire. Tant que vous avez de la mémoire, tant que vous avez de la mémoire, vous avez de l'orgueil. C'est de la mémoire, de l'orgueil. Soit de la mémoire quand tu étais à l'université tout à l'heure, tu as appris des choses, ou de la mémoire, de la mémoire. C'est de la mémoire, de l'orgueil, c'est de la mémoire. Quand... Quand tu n'as plus de mémoire, tu actualises ta vie. Tu actualises le rayon. Le rayon va te faire actualiser ce que tu as actualisé. Dans l'instantané. Wow, ça, c'est intéressant, papa. L'avenir illusoire créé par l'âme, c'est la recherche de l'expérience. C'est maudit. Pour toujours nourrir les mêmes formes, pour toujours maintenir la mémoire vivante, ainsi de suite. Et mauditement, c'est lent. Ça n'a pas d'important. Exactement. Exactement. Exactement. C'est pour ça que, toi, on parle, là, tu m'amènes une affaire, là. Quand tu m'amènes une affaire, moi, je vibre. J'actualise le rayon. Je vibre. Les gens, ils pensent que j'ai tout ça dans le cerveau comme un robot. Je suis pas un robot. J'actualise le rayon. Fait que tu parles, je t'écoute. Tu parles. Si j'ai quelque chose à dire, je vibre. Le rayon vibre. Fait qu'automatiquement, je sais que je sais que j'ai quelque chose à dire. Je sais pas ce que je vais dire. Mais je sais que j'ai quelque chose à dire parce que le rayon est vide. C'est ça. C'est le même, ça marche. Fait que là, tu me dis quelque chose, puis si il me parle, ben, je trouve ça intéressant, parce que la vibration, c'est vite. Fait qu'automatiquement, moi, j'apprends quelque chose, puis toi, t'apprends quelque chose. C'est ça actualiser le rayon. C'est pour ça que, pour entrer dans l'intelligence, pour vivre de l'intelligence, pour actualiser le rayon, il faut être en dehors de la mémoire, puis... Tu peux, si t'es pas en dehors de la mémoire, tu ne peux pas l'actualiser parfaitement, le rayon. Parce que ta mémoire va t'empêcher de vibrer dans les subtilités du rayon dans ton mental, dans ton émotionnel. Il y a une partie de ton émotionnel qui va t'empêcher de dire ça. Ou il y a une partie de ton mental qui va colorer ce que tu dis. C'est pour ça que vous êtes pas capable de parle avec le mot juste. De temps en temps, vous l'avez. Mais vous êtes prêt à le maintenir tout le temps. Puis avec le temps, ça vient. Mais avec le temps, vous réalisez que vous êtes de plus en plus dans l'intelligence. Avec le temps, vous réalisez que vous êtes de plus en plus sûr. Puis éventuellement, vous êtes sûr d'être sûr. C'est ça l'actualisation du rayon. Et pour que le rayon soit actualisé, il faut que tu n'aies plus de mémoire. L'âme, elle hypothèque toujours sur les expériences. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et surtout les expériences qui ne sont pas dites. Tu sais, quand tu parles de l'avenir puis tu parles de la passée, tu sais, moi, si je parle d'humanité dans 2500 ans, je suis pas là, tout de suite, là. Ou je parle du passé, il y a 10 000 ans. L'âme, elle va essayer de faire vibrer l'émotionnel et le mental pour créer le doute dans l'esprit pour que ne s'actualise pas le réel. Eh oui, c'est quelque chose. Ça que oui, que le monde aime ça, ou que le monde n'aime pas ça, ou que les gens avec Glenn d'incohérence sautent du pied dans les airs quand je dis que l'âme fait partie des forces luciférienne. J'actualise le rayon. Si j'actualisais pas le rayon, il n'y aurait pas un homme sans tête qui saurait aujourd'hui que l'âme est luciférienne. Parce que ça n'a jamais été dit. OK, j'en reviens. Je vais t'aider une petite affaire. Je l'ai perdu. OK, vas-y. C'est le contraire que tu penses. Tu l'actualises, le rayon, mais tu l'actualises imparfaitement. Tu l'actualises, mais tu l'actualises imparfaitement. Ça, c'est parce qu'à cause de la présence de la mémoire de l'âme, si tu n'avais pas cette affaire-là, tu l'actualiserais parfaitement. C'est ça qui fait que des fois, vous avez des intuitions. Oups! Là, la mémoire de l'âme qui rentre là-dedans, ça coupe votre intuition. C'est pour ça que j'aime pas ça de l'intuition. Parce que c'est passé. Parce que l'intuition, c'est toujours teinté par la mémoire de l'âme. Tandis que l'actualisation du rayon, ce n'est pas teinté par rien. C'est un laser, puis ça brûle toutes les parts. Ça brûle tout. Puis moi, je sais. Dans mon expérience, en tout cas, je sais qu'il n'y a aucune forme sur la planète Terre que je ne suis pas capable de détruire. Aucune. Parce que les formes sur la planète Terre sont les formes qui font partie de notre civilisation, et les formes qui font partie de notre civilisation sont la nourriture émotive et mentale de l'homme de la cinquième race, ne sont pas la nourriture du supramental, de l'homme de la sixième race. Et d'ailleurs, l'homme de la sixième race ne se nourrira pas. Il créera. Et tant qu'on est obligé de se nourrir, on est esclave de la forme. Quand tu n'as plus besoin de te nourrir, tu crées la forme. Tu es infini dans ton potentiel créatif. Quand tu es obligé de te nourrir, tu es automatiquement assujetti aux lois de la matière, aux lois de la nature, aux lois du règne minéral, végétal et animal et humain. Et le surhomme, l'homme de demain, l'homme supramental, l'homme qui aura un corps morentiel, ne sera pas lié aux lois planétaires parce qu'il sera cosmique. Donc, automatiquement, cet homme-là ne se nourrira pas. Ce qu'il fera, par exemple, il créera des espaces dans son mental supérieur qui lui permettront de reconnaître la beauté de la forme du goût. Et c'est de ça qu'il se nourrira. Autrement dit, l'homme se nourrira de l'énergie du goût et non de la forme, de l'essence, de la matière, du fruit, du goût. Vous bon, exemple. Là, je vous donne. Quand tu rêves que tu manges une banane, tu goûtes la banane. Mais c'est pas une banane que tu manges. Bon, ben, c'est ça que je veux dire. Seulement que quand tu rêves, tu goûtes à des formes qui ont déjà été créées. Tandis que dans l'avenir, l'homme goûtera des formes que lui créera. C'est ça la différence. Point d'esclave de banane. de vivre alors que nous parlons de vivre en l'homme, son âme. C'est que quand l'homme canalise l'énergie pour le bénéfice de l'âme à travers l'énergie spirituelle, moi je voyais ça comme une sorte de vie. L'âme va énergiser son corps physique, permettre au corps physique de rester bien. Quand tu te conscientises, tu fais vie qui se tient parce que la vie se brise. Elle est plus intéressée à énergiser ton corps physique. Tu parles de comparaison. Si toi, tu ne donnes pas ça, son intérêt sur l'énergie, c'est comme si tu avais sa puissance. Oui, sa comme si elle prenait toujours un intérêt sur l'énergie qui est ce qui est. Style dans le phénomène de l'âme, c'est que on a donné à l'âme une valeur spirituelle. Et c'était normal parce que dans le passé, les hommes étaient tellement primitifs que c'était important qu'ils soient donnés une conscience de quelque chose au-delà du corps matériel. Mais à ce temps que l'homme rentre dans l'intelligence, la chose, la partie de l'homme qui est en dehors du corps matériel et qui ne meurt pas, si tu veux, ce n'est pas l'âme. C'est le corps moronciel. Et le corps moronciel, il est fait des énergies de l'âme. Fait qu'on n'est pas assez allé assez loin dans l'explication du phénomène de l'âme. Et on est resté pogné dans la tradition. Fait que quand je le dis, parce que là, je commence à parler en public un petit peu plus fort. Ça énerve bien du monde. Mais il faut que j'actualise. On ne peut pas se permettre quand on rentre. L'homme ne peut pas se permettre quand il rentre dans le corridor de son temps. Le corridor du temps de l'homme, c'est un espace mental qui est réservé à sa lumière, qui fait partie de sa lumière. Et qui grandit avec le temps, c'est-à-dire que avec le temps, l'homme s'approche de plus en plus dans ce corridor-là. C'est-à-dire que l'homme passe de plus en plus subtilement d'un plan vibratoire à un autre. Et l'homme ne peut pas se permettre, dans son expérience, vers cette dimension de son réel, de se laisser emmitouflé dans quelque forme que ce soit. D'ailleurs, on va vous dire une chose. Toutes les formes de la mémoire de l'âme, de la mémoire de l'âme doivent être détruites. C'est mon mandat, nous. Il faut que toutes les formes soient détruites. Des fois, je dis, bon, mec, c'est ça longtemps que tout bien que je parle. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a parlé à ce point-là? Il me dit, inquiète pas, il y a tout, quelque chose à dire. Il y a tout le temps, il y a toujours toutes les formes principales. On doit être totalement libre dans la. On doit être totalement libre dans le rayon. Puis le rayon, quand il passe dans un plan, il ne faut pas que la couleur du plan déteigne sur son énergie. Puis c'est ça du savoir. C'est ça de l'intelligence. C'est ça de la conscience. C'est ça. Ça fait partie de notre droit. Parce que l'homme a cinq sortes de droits. L'homme a le droit matériel, il a le droit vital, il a le droit émotionnel, il a le droit mental et il a le droit supramental. On a le droit à la conscience supramentale, c'est-à-dire on a le droit à la conscience de l'infinité parce que ça fait partie de la perfection de l'infinité. Alors, on a le droit à l'infinité et on ne peut pas avoir accès à l'infinité tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau d'évolution, c'est normal. Mais quand on est arrivé à un certain évolution, on a le droit à cette infinité-là et personne ne peut nous l'en empêcher et rien ne peut nous l'en empêcher, même pas l'âme. C'est dur de définir le droit à l'infinité parce que tu viens à un point où les mots ne peuvent plus rejoindre l'intelligence de ton esprit parce que ton esprit est trop alourdi par le temps. Mais quand ton esprit est plus alourdi par le temps, l'intelligence peut rejoindre ton esprit. Et à ce moment-là, ton esprit peut véhiculer la forme qu'il veut, qu'il a besoin, pour expliquer à l'homme l'infinité de l'intelligence. C'est là que l'homme commence à comprendre toutes les structures possibles de l'évolution de l'homme, de l'être humain. Pas de ça ici, de l'être humain en partant du corps monociel, en évolution vers les sphères univers. Oui. Non, non, pour créer les principes, pour développer les principes, ensuite la création du corps monociel. Ce qui limite l'homme, c'est son expérience antérieure qui est enregistrée dans sa mémoire et qui fait constamment vibrer son émotion et son intellect. C'est ça qui limite l'homme. Puis le pire, c'est que l'homme ne peut pas être à l'extérieur de ces limites-là tant que le rayon en lui n'a pas fait le travail. C'est pour ça que c'est si long l'initiation solaire. Ça prend des années, puis ça se fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Puis quand ça se fait, on pâtit, puis on chiale, puis on est en maudit, puis ça se fait pareil. C'est quoi le rapprochement entre l'âme, l'énergie de l'âme J'ai encore mal au ventre. Hein? L'âme, l'énergie de l'âme, qui les âmes, c'est quoi tu trouves? OK, ça c'est intéressant. Je suis content que tu me demandes ça. L'énergie de Bon. Ah, OK. Là, c'est mystère. Bon, on va rentrer dans les mystères. L'âme n'a pas d'énergie. Quand on parle de l'énergie de l'âme, j'ai mal au ventre. OK, ça c'est bien intéressant. Écoutez bien celle-là. L'âme n'a pas d'énergie. L'âme, c'est simplement la mémoire. De la mémoire, c'est de l'énergie organisée. Quand on dit que l'homme doit détruire l'âme, c'est qu'il doit défaire l'organisation énergétique de l'âme. Quand l'homme défait l'organisation énergétique de l'âme qui crée la mémoire, il absorbe en lui l'énergie. Autrement dit, l'âme, c'est comme de l'énergie organisée, un peu comme la matière, c'est de l'énergie condensée. Et l'homme, dans son évolution vers le supramental, le processus vibratoire du rayon en lui, c'est justement de désorganiser l'énergie de l'âme. C'est pour ça que, dans le fond, l'initiation solaire, qu'est-ce que c'est? C'est le combat entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. C'est le combat entre la perfection de l'intelligence et la perfection de l'organisation de l'énergie sous le contrôle du ciel. C'est pour ça que l'initiation solaire, c'est la pénétration ultime, absolue et inexorable du rayon dans la matière organisée de l'âme, qui fait que l'homme, à cause du fait qu'il est fait ou qu'il est lié à cette organisation-là, se transforme. Détruit l'âme, transmute l'âme, réorganise le matériel de l'âme et tu créeras un homme nouveau. Automatiquement, parce que l'homme est la mémoire de l'âme. Il est fait de la mémoire de l'âme. Et il en subit les chocs. Le choc de cette désorganisation-là dans son mental et son émotionnel. Et qu'est-ce qui se produit? C'est qu'avec le temps, il perd la passion. La perte de la passion chez l'homme, c'est le résultat de l'effet du rayon sur la mémoire de l'âme. C'est important. Tout se tient. Des fois, on commence par là, des fois, on commence par là, mais tout se tient. Tout se tient. Et à cause du fait que tout se tient, il est là, d'ailleurs, le pouvoir du rayon. Le pouvoir du rayon, il est grand parce que tout se tient. Parce que si tout ne se tient pas, on ne sentira pas le pouvoir du rayon et automatiquement, on se retremperait dans l'énergie de l'âme. Et on n'est pas capable, on est obligé d'avancer, d'avancer, d'avancer, d'avancer, d'avancer, d'avancer. À un rythme quelconque, on avance. Tu peux plus retourner en arrière. Tu sais, le séminaire, je disais, vous ne pouvez pas retourner en arrière après le séminaire. Parce qu'après le séminaire, il n'y a plus rien. Tout ce qui a été dit doit être démoli. C'est justement à cause de ça, parce que l'énergie, la mémoire, l'organisation de l'énergie de l'âme est changée. Mais qu'est-ce qu'on garde pour l'énergie? Il nous reste simplement l'énergie du rayon. C'est comme le rayon, il descend le rayon, là, puis là, dans l'univers, il descend, c'est plein, OK? L'homme vit ici, là. Là, l'expérience est enregistrée d'un plein, ce qu'on appelle l'âme. Bon, ben, l'énergie de l'âme, elle appartient au rayon. Seulement l'âme se l'est attribuée, elle l'a pris ça. C'est comme de la glace. Ça, tu mets ça dans le fridge, cette affaire-là, ça va geler. C'est de la glace. La glace, c'est l'âme. Puis ça, c'est le rayon. Mais le rayon, un jour, faut que l'énergie, un jour, faut qu'elle revienne au rayon. Puis c'est ça qui est en train de se passer sur la terre. C'est que le rayon veut prendre ce qu'il a perdu pour l'évolution. Le rayon veut prendre... C'est important que l'homme ait une âme. Sans ça, il n'y aurait jamais eu d'âme. Ça prenait une âme ça prenait une mémoire minérale. La matière a une mémoire. La plante a une mémoire. L'animal a une mémoire. L'homme a une mémoire. Alors, ça prenait de la mémoire. Alors, l'homme, il voulut que l'âme grandisse, puis grandisse, puis grandisse. Tellement qu'il s'est rendu qu'aujourd'hui, c'est une vraie mafia, cette crise d'affaires-là. Fait qu'il faut que ça soit détruit. Tu comprends? Alors, ça faisait partie de l'évolution, ça. Maintenant qu'on s'en va dans cette direction-là, ce qui a été nécessaire n'est plus nécessaire, et le rayon qui a toujours existé, mais qui a été condensé, densifié dans l'âme, veut revenir, veut reprendre contrôle. C'est pour ça qu'on dit que la lumière veut descendre dans la matière. Alors, la lumière, en descendant dans la matière, elle est obligée de dégeler cette affaire-là. C'est ça qu'on appelle l'initiation solaire. Alors, nous autres, en tant qu'hommes, naturellement, étant fait de cette mémoire-là, on passe des mots 10 quarts d'heure, mais après ça, on s'aperçoit que c'est pas mal. Mais au moins, quand on commence à sentir ça, ben on commence à sentir qu'effectivement, on change sur le plan mental, puis émotionnel, puis vital. Fait qu'éventuellement, quand c'est tout changé, cette mémoire-là, ben, l'homme n'est plus lié aux lois de la matière. Parce que les lois matérielles qui affectent l'homme sur la planète Terre, ce sont des lois qui sont liées à la mémoire de l'âme. Puis quand je parle de la mémoire de l'âme, je parle de la mémoire de l'âme dans l'homme qui affecte le matériel, le vital, l'astral et le mental. C'est la mémoire qui tient. D'ailleurs, on m'a allumé avec ça. C'est la mémoire dans l'univers qui permet. Savez-vous, les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, tout ça, c'est la mémoire luciférienne, ça. La mémoire. D'abord, on ne sait pas qu'est-ce que c'est de la mémoire. Un jour, on va comprendre. La mémoire, c'est la réalité la plus concrète qui existe. Et la mémoire, quand elle est concrétisée dans la matière, devient des formes structurées. Alors, les systèmes solaires, les galaxies, les soleils, c'est de la mémoire. C'est une énergie qui appartient au rayon, et un jour, dans des temps qui sont extrêmement loin, les rayons ensemble, parce qu'ils seront sept à ce moment-là, les sept rayons détruiront l'univers complètement et il ne restera plus d'univers matériel. Autrement dit, la mémoire qui aura servi à l'évolution des systèmes, des espèces biologiques complexes ou saines sera complètement détruite pour la réorganisation d'un autre temps. Alors, tout ce qui existe dans l'univers, c'est l'expression d'une mémoire qui est géré par les forces luciférienne à tous les niveaux, et au-dessus de ça, il y a le rayon qui permet l'existence de ce système-là en tant que mémoire. Et quand le rayon cessera, quand le rayon voudra ou décidera de changer tous les aspects de ça, ou simplement des aspects particuliers comme aujourd'hui dans l'homme, t'as automatiquement une transmutation. Non. L'homme ne sert pas de cobaye pour l'évolution universelle parce que l'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme. On n'est pas nous autres des hommes. On est des êtres inférieurs. Un jour, on sera des hommes et lorsqu'on sera des hommes, on travaillera avec le rayon. Et c'est pour ça qu'on sera libre de la matière et des systèmes. Non, on ne sera pas dans le rayon. On sera lié au rayon. Tout est décidé et contrôlé par le rayon. Alors, le rayon, les rayons, il y en a plusieurs rayons. Les rayons, c'est ce que vous appelez Dieu. Mais ça va plus loin que ça encore. Parce qu'il y a différentes étapes de Dieu. Il y a différentes étapes de Dieu, de ce qu'on appelle de Dieu. Mais le principe qui était important à soi que je sors là, je suis content d'en sortir parce que c'était important, c'est que le rayon, tout ici, tout en dessous du rayon est mémoire. Et c'est géré par des forces qu'on appelle luciférienne qui sont en dehors de la lumière. Et ça sert tout ça. Et lorsque l'homme, une unité biologique pensante, intelligente comme l'homme, est prête à, est suffisamment évoluée pour vibrer du rayon, consciemment, à ce moment-là, cette entité-là, l'homme, conscient, moron ciel, est lié au rayon. C'est ça qu'on appelle la fusion. Tu es lié au rayon, puis automatiquement, tu n'es plus lié aux lois de la matière. Tu acceptes les lois de la matière, mais tu n'es plus lié aux lois de la matière. Et si un jour tu veux changer de plan, tu changes de plan. C'est ça l'homme de demain. Quand l'homme va travailler avec le rayon, ça veut dire que l'homme est sur le plan. Non. Qu'est-ce qui arrive avec sa force musculaire? Elle va continuer ses activités dans l'univers. C'est évident. Tu sais que le rayon n'enregistre plus une nouvelle mémoire. Ce qui fait que quoi? Le rayon en activité ne crée plus de mémoire. La mémoire, c'est une énergie où on a des amalgamés expériences. Le rayon quantitatif, c'est une action, ça ne crée pas de mémoire. Ah ouais, ok. La raison, quand un être actualise le rayon, l'être ne vit jamais d'expérience. Ce qui crée la mémoire, c'est l'expérience. Alors, quand l'être actualise le rayon, il ne vit plus d'expérience. Et automatiquement, il n'y a plus de mémoire qui puisse l'influencer, cet être-là. Malgré que les actions qu'il vit sont enregistrées dans l'univers, elles sont enregistrées parce que rien ne se perd. Non. Non, parce que c'est une actualisation du rayon. Une actualisation du rayon. L'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle dans ce sens que, dans le fond, c'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire que l'âme est mortelle. C'est que l'âme est destructible. L'âme est immortelle parce que la mémoire continue dans les temps, puis les temps, puis les temps, puis les temps, puis les temps, puis les temps. Quand on dit être immortelle, ça dit qu'elle meurt. Elle n'a pas de fin. Mais l'âme a une fin. De dire que l'âme est immortelle, c'est expliquer anthropomorphiquement l'évolution à long terme de l'âme et sa perpétuité dans le temps. Mais l'âme a un terme. Toutes les âmes ont un terme. Et c'est là que la cosmogonie d'Urantia cesse d'aller plus loin dans sa vision des choses. C'est que toutes les âmes, éventuellement, tout ce qui est âme, tout ce qui est mémoire, éventuellement, doit être détruit. C'est ça que je demandais tantôt. Si l'homme est travaillé avec le rayon de l'âme, il va être détruit, où est-ce qu'elle va aller? L'énergie de l'âme, ce qui fait d'elle une mémoire, est transmuté de sorte que ce qui tresse, c'est l'énergie du rayon. Détruit l'âme, puis tu as le rayon. Ben, ça veut dire que ça se fait selon chaque individu. C'est ça. Où est-ce que tu sais que tu appelles le frère? Les frères? Vous avez dit quelque chose sur les films. Est-ce que c'est une façon de parler des films comme ça? Tout est une façon de parler. Parce que si on sortait de la façon de parler, on rentrerait dans une autre dimension du réel. Puis on n'est pas capable parce qu'on a des cerveaux. Je vais t'expliquer une partie du frère. Un aspect du frère. C'est vaste, ça. Je vais prendre une section. Quand je dis que le frère, quand tu as atteint un certain niveau de perfection, il doit être réparé. Je dis que le frère, ils ne veulent pas en parler de ça, ça. Peut-être tout à l'heure, je vais parler. OK. Il n'y a qu'une condition qu'ils vont en parler, c'est si tu me demandes une question précise.